Partout florissait la Les chiens étaient verts et les vaches meuglées. Une phrase en italien. Ici, nous croyons bon et sage de réciter. Les clôtures qui embrassent les tableaux impressionnistes bordés de vaches et de roucoulades. C'est quand même très intéressant. C'est quand même très intéressant. Poulade! Poulade! C'est du merlan frise, non? À moins qu'une précision errate. Je ne crois pas avoir mieux à faire. Ouais! Mais pourquoi faut-il? Je ne crois pas avoir mieux à faire. Nous risquons leurs enfants, des sels, des locations. Ah, la salamandra.